un mélomane sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ-FM ou encore en direct sur CFNJ.net dans le monde entier. Mathieu Lajoie de retour au micro après une longue absence et vous dire le plaisir que j'éprouve à reprendre enfin la barre de cette émission-là. Incroyable, mais vrai. En fin de retour sur les ondes, très excité de ça et de toutes les belles semaines qui nous attendent. Ceux qui suivaient l'émission il y a quelques années vont peut-être s'en rappeler, j'avais été contraint malheureusement de laisser à contre-cœur l'animation de Mélomane par manque de temps pour les études, entre autres choses, mais je vous avais aussi fortement laissé entendre que c'était seulement partie remise que j'essaierais de revenir à l'antenne. Eh bien, c'est chose faite, c'est ce soir que ça se passe. Et sinon, pour ceux qui connaissent pas l'émission encore, ben Mélomane, c'est une émission qui porte bien son nom premièrement, tout simplement pour les amoureux de la musique en général, amoureux de la musique comme moi. Vous allez vous en rendre compte au fil des semaines qui vont suivre, parce que l'émission va être diffusée comme ça tous les mercredis de 20h à 22h. Et à chaque fois, je le répéterai jamais assez, il faut avoir l'esprit ouvert et aimer les surprises parce que c'est une émission où on a carte blanche et où on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Comme je le dis souvent d'ailleurs, il ne faut jamais se fier à une seule émission ou même à un seul bloc pour se faire une idée. Et justement, trêve d'explications inutiles, on va prêcher par l'exemple plutôt que d'en parler. On y va tout de suite pour ce que j'ai décidé de baptiser bien humblement Mélomane Renaissance, qui, comme par hasard, va nous amener faire un tour tout ce qu'il y a de plus magique et mystérieux, le tout au 99.1 CFNJ. Thank you. est allé rougir ailleurs. Avant de me rendre, pour que je m'invente d'autres couleurs. C'est comme si j'avais peur de me retrouver ailleurs. D'oublier toute une année pour t'oublier. Même la folie peut avoir raison. moi quoi pour bien dormir, il me faut de bras bien chauds, pas un grand verre d'eau. Arrête de passer comme un chôme. Partez donc dans le coup, et viens faire un tour dans mon igloo. Toujours sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ, en cette nouvelle mouture de Mélomane, de retour de manière tout à fait fortuite après quelques années à errer ça et là de par les steppes de la non-diffusion, à remplir mes sacs d'encore plus de musique en tout genre pour vous, chères auditrices et auditeurs. Comme je le disais tantôt, très content de vous retrouver en ce mercredi soir avec déjà un premier bloc assez bien garni qui vient de se terminer avec nul autre que Neil Young et son Love is a Rose, très belle chanson de 1974 qui nous dit que l'amour est une rose qui cesse de pousser si on l'accueille. Une pièce qui va être un peu plus connue dans sa version de 1975 par Linda Ronstadt, mais qu'on a entendu dans sa version originale, bien sûr, qu'on va pouvoir acheter seulement en version physique en 1977 sur le vinyle triple Decade, une compilation que je vous conseille fortement, d'ailleurs, bourrée de petits bijoux. Un vinyle triple ou en version CD, c'est un CD double. Sinon, c'était précédé des Doors sur leur dernier opus, L.A. Woman, en 1971, juste avant, bien sûr, la mort intempestive de leur frontman Jim Morrison, avec Been Down So Long, un blues très cru, très représentatif d'ailleurs du son, très, comment dire, in your face de cet album-là, facilement un de leurs meilleurs aussi. Évidemment, ça dépend des goûts, mais quand même, c'est un beau chant du cygne, on pourrait dire, L.A. Woman, même si c'était pas prévu comme ça. Puis sinon, ben un petit détour magnifique au Québec avec, en 1981, quelque chose qui est resté longtemps très rare, du moins avant sa réédition en CD et en vinyle, le 11 mai 2018 dernier. Tiré du tout premier album d'Abitibi, Boomtown Café, on a entendu un jeune Richard Desjardins nous chanter « T'avais le cœur à bonne place » dans une espèce de mix entre le rock, le trad, le prog. Abitibi, c'est toujours comme ça, des très bons musiciens. Et le tout était précédé de deux énormes classiques en leur genre, soit « Vert », tiré des cinq saisons d'Harmonium, bien sûr, et qui d'autre que les Beatles en personne qui nous ont donné le coup d'envoi en ce retour de Mélomane. Mais c'est loin d'être fini. Plein d'autres choses à venir encore. On y va avec un solo légendaire de Larry Carlton. Mais juste avant, pourquoi pas un peu de Chicago au 99.1 CFNJ. Please can't stop to stare at your Technicolor modem. Every airframe had your number on the wall. You must have had it all. You go to LA on a dare and you go it alone. Could you live forever? Could you see the day? Could you feel your whole world fall apart and fade away? Get along, get along, keep shining me. Get along, keep shining me. Now your patrons have all left you in the red. Your low rent friends are dead. This life can be very strange. All those Dago freaks who used to paint the face, they join the human race. Some things will never change. Just begun.

l'asphalte et qui ne sauront peut-être jamais que la terre était un jardin. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison, des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour, et un petit ruisseau roulant sans une vague venait le rafraîchir et poursuivait son cours. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères. Le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître? Où nous aurions pu vivre insouciants et nus? Où est cette maison, toutes portes ouvertes, que je cherche encore et que je ne trouve plus? La la la, la la la, la la la. Et toujours à Mélomanes sur les ondes de CFNJ avec une pièce tellement intemporelle et en même temps tellement ancrée dans son époque avec des orchestrations de clavecins, de cordes. On était en 1971 avec l'auteur-compositeur grec Moustaki, Georges de son prénom. En fait, on pense qu'il est grec avec sa gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, d'origine italo-grecque en fait, mais né en Égypte. En réalité à Alexandrie. Donc, Georges Moustaki, avec qui il y avait un jardin, magnifique, magnifique pièce, qui était précédée de Brian Wilson et ses Beach Boys avec l'excellente Wendy, tirée de l'album All Summer Long de 1964. Et sinon, une des surprises du bloc, quant à moi, super chanson catchy, chantée par un jeune Ronnie James Dio, qui va aussi faire partie de Black Sabbath après Ozzy, en plus de son groupe à lui, Dio, tout simplement, mais qui ici était au sein de Rainbow, formation que va se partir Ritchie Blackmore, la légende de la guitare, à l'origine de Deep Purple, donc Rainbow, que certains vont citer comme étant les pères fondateurs de tout ce qui allait s'appeler Power Metal, où on raconte souvent des histoires épiques de dragons et d'épées, ou dans le cas présent de temples et de rois, avec Temple of the King en 1975, belle ballade mélodique pour Dio. Et sinon, un solo incroyable, du tout aussi incroyable, Larry Carlton. Désolé, déformation professionnelle du guitariste en moi. Larry Carlton, grand guitariste qu'on pourrait qualifier de session, ou du moins spécialisé dans les sessions studio, même si le live lui faisait pas du tout peur. Un gars qui a joué avec tout le monde. De Wayne Shorter, grand saxophoniste jazz qui a joué avec Miles Davis jusqu'aux Crusaders, son groupe à lui, à Larry Carlton, plus jazz fusion, mais sinon aussi dans le pop avec Michael Jackson sur l'album Off the Wall, c'est lui qu'on peut entendre, jusqu'à Joni Mitchell, en passant par Steely Dan qu'on a entendu ici avec Kid Charlemagne en 1976. Steely Dan qui, si vous les connaissez, mais vous savez peut-être que c'est un groupe qui est en réalité constitué de deux membres seulement, soit Walter Becker et Donald Fagen. Et ces deux gars-là, ben c'était deux très bons musiciens, férus de jazz et de studio, beaucoup. Toujours à la recherche d'une certaine perfection, on pourrait dire. Et c'est pour ça qu'ils trouvaient toujours le moyen de s'engager des musiciens encore meilleurs qu'eux, toujours la crème des musiciens de studio de l'époque. On pense entre autres à des légendes comme Wayne Shorter, qu'on a nommé tantôt, qui avait joué avec Miles Davis, Michael Brecker, une autre légende du saxophone, Chuck Rainey à la basse, Steve Gadd au drum et Larry Carlton à la guitare qu'on a entendu ici. Puis sinon, on a aussi entendu une autre légende de la guitare, soit Terry Kath au sein de la célèbre formation Chicago qu'on a entendu avec A Hit by Varese en 1972. Une chanson qui fait référence à Edgar Varese, un compositeur français qu'on surnomme souvent le père de la musique électronique. Mais ça, on pourra en parler longtemps, puis on a encore plein de belles musiques à venir. On y va avec un petit hit aussi léger que du popcorn, 1972, Hot Butter, 99.1, CFNJ.

averses qui cessent au cours de la nuit sur la Nosière, minimum de 13 à 17 degrés. Dégagement et du soleil pour jeudi, maximum de 22 à 25. Et alternance de soleil de nuages pour vendredi, maximum de 20 à 26 degrés. CFNJ 89.1. Et toujours à Mélomanes, où on vient d'entendre les Cunning Linguists avec Linguistics de l'album We'll Rap for Food de 2001. Et c'est là qu'on a vu qu'on avait affaire à un bloc assez imprévisible, comme je vous avais averti tantôt. Parce que juste avant, c'est nul autre que Louis Armstrong qu'on a entendu accompagné du Cy Oliver's Orchestra dans un enregistrement du 7 février 1958 de Go Down Moses, un vieux classique déjà à cette époque-là du répertoire des Spirituals. Les Spirituals qui font partie intrinsèque de l'histoire religieuse afro-américaine et qui précède l'avènement du gospel. D'ailleurs, on peut entre autres différencier les spirituals avec les textes qui ont des thèmes relatifs à l'Ancien Testament, contrairement à ceux du gospel qui, eux, tournent autour du Nouveau Testament. C'est d'ailleurs pour ça que Go Down Moses nous parlait de Moïse qui libère son peuple d'Égypte. Et sinon, le tout était précédé de manière tout à fait imprévisible du Mighty Led Zeppelin avec The Wanton Song, tiré de l'excellent album double Physical Graffiti de 1975, une pièce où on peut apprécier le jeu toujours aussi lourd de Bonzo, alias John Bonham, à la batterie. Et juste avant, on a entendu le fameux concerto pour une voix de Saint-Preux dans sa version définitive de 1974, interprétée par Mirla Castellanos. Et maintenant, il retourne tout en funk avec un groupe québécois du nom de Bill. Et oui, on aurait pu penser qu'il s'agissait d'un artiste solo, mais non, c'est bien un groupe un peu tombé dans l'oubli malheureusement. Une des nombreuses productions de Stephen Tracy, très actif à l'époque. La rumeur voulant que la pièce a failli être en fait un rap. On écoute « As-tu du feu » au 99.1 CFNJ. Tu vas le pinard, tu vas s'acheter le mal, as-tu du feu? Hey, as-tu du feu? Matin en me réveillant, tu vas le pinard. C'est avec ça que je me brosse les dents, tu vas le pinard. J'en fume, ça me fait danser. Le beurre de pinard, j'ai complètement capoté. Tu vas le pinard. Je veux pas le savoir, as-tu du feu? Hey, as-tu du feu? Ça a commencé par une innocente tartine de beurre de peanut. Beurre de peanut. Mais là, j'suis même plus capable de m'arrêter d'acheter du beurre de peanut. Comme Bible, c'est le nom, mais j'ai des bons. Je suis tout à fait obsédé par le beurre de pinot. Je veux pas le savoir, as-tu du feu? Hey, as-tu du feu? au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. Thank you.

get in trouble. If you don't want, you don't have to get in trouble. If you don't want, you don't have to get in trouble. Yeah, you better leave my woman alone, woman alone, my woman alone. CFNG. About you cold when you were headed for the skies, but you were young and bold, and baby, didn't that change with a wink of your eye? Now no one's talking about those crazy days gone by. No one talks about the times you cried. Likely to succeed. I had to tell them, baby, you were armed with all you need. Seems no one's talking about those crazy days gone past. Weren't they amazed when you were pitiless? You are the little dreamer. About you cold when you were headed for the skies, but you were young and bold, and maybe didn't that change with a wink of your eye? Seems no one's talking about the crazy days gone past. Weren't they amazed when you were pitiless? You were the little dreamer. Et c'est Van Halen qu'on vient d'entendre au 99.1 CFNJ, toujours en plein mélomane avec Little Dreamer du premier album éponyme de 1978. Album qui a complètement changé la face de la décennie encore à venir. La rumeur qui veut qu'Eddie Van Halen jouait dos au public initialement pour pas révéler sa technique de virtuose toute nouvelle à l'époque, celle des Shredders, qu'on va appeler des virtuoses de la guitare un peu néoclassique. Et sinon, complètement ailleurs, juste avant, avec un détour plus rétro avec Leave My Woman Alone de Ray Charles et ses Raylettes en 1961, précédé de Ruth Brown, que j'aime d'amour, en 1959 avec I Don't Know, une pièce au cachet incroyable. Vous avez sûrement constaté la chose. Et là, juste avant, wow! Une preuve irréfutable que ça vaut vraiment la peine d'aller creuser un peu plus loin dans la discographie de Queen, bien au-delà des hits tirés de l'excellent album A Day at the Races de 76. On a entendu Freddie Mercury et ses troupes avec You Take My Breath Away, avec des belles harmonies riches comme seul Queen sait le faire, la signature Queen complètement. Et puis sinon, ben un début de bloc plus funky avec les rois du funk de la Nouvelle-Orléans, le New Orleans Funk des Meters avec leur classique CC Strut. The Meters, un groupe qu'on va souvent réentendre à l'émission, on est en 1969, avec leur funk beaucoup plus smooth que celui d'un James Brown, par exemple. Ça n'enlève rien à M. Brown, évidemment. Juste une évidence que les styles prennent une couleur différente dépendamment de leur provenance. Et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à observer. Ça se voit dans presque tous les styles musicaux. Mais là, parlant de smooth, pourquoi pas un petit détour vers la Jamaïque pour nous égayer un peu en cette soirée pluvieuse. On écoute The Heptones, 99 ans, CFNJ. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green.

você. Não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, lua sem amor, amor sem se dar. E eu sem você sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor. Tristeza que vai, tristeza que vem, sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Merci, merci. Toujours à Méloman sur les ondes de CFNJ. En passant, un petit shout-out à mon pote Fred Dufour, alias le Truth Walker, qui fait sa première au Théâtre Paradox pour son hommage réplique exacte du Bad Tour Wembley Stadium de Michael Jackson ce vendredi. Ça nous mène en fait vendredi le 30, tout simplement. Et sinon, ben un bloc qui avait débuté pour nous en Jamaïque, qui s'est terminé dans un Brésil profond, magnifique, magnifique pièce composée par le grand Baden Powell, Samba Empreludio, avec son contre-chant de tout en beauté, deux mélodies qui s'enchevêtrent l'une dans l'autre. Version définitive ici de Vinicius de Moraes et Maria Cruz en 1970, qui était ici précédée d'une des plus belles pièces de la soirée, selon moi, Brigitte Fontaine et Jacques Higelin, qui nous interprétaient « Cet enfant que je t'avais fait » en 1968. 1968 qui fut une année assez mouvementée en France, si on connaît un petit peu son histoire, particulièrement les événements de mai 68. Et on avait ici une chanson en plus qui abordait à demi-mot le sujet de l'avortement, sujet assez chaud pour l'époque et qui l'est toujours aujourd'hui malheureusement. Et sinon, un petit classique juste avant de Dolly Parton, Jolene en 74, le tout amorcé par les Heptones en 76 avec Cool Rasta. Et c'est déjà pour nous, c'est déjà tout pour nous ce soir, malheureusement. Ben oui, toute bonne chose, une fin. Ça m'a fait très plaisir de vous retrouver sur les ondes de CFNJ, mais c'est juste un début. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi 20h, pour un autre Mélomane. C'est un rendez-vous. D'ici là, eh bien, moi, je vous souhaite tout simplement une belle semaine.